Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, whoopidou, je voudrais marcher comme vous. Et parler comme vous, faire comme vous. Un singe comme moi, pourrais-je le croire, être parfois bien plus humain que vous. Mets-toi, baby. Je voudrais marcher comme vous. Et parler comme vous. Tu faire comme vous. Oui, bien, je l'avoue. Quelqu'un comme moi. Scooby-Dooby-Dooby. On s'amuse ici. C'est vrai, je le crois. Peut devenir comme moi. Encore une fois. Yeah. C'est vrai, je le crois. Peut devenir comme moi. Ah.